entendu un gros boum. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine libertaire sur Jet FM. Ici, on cause de l'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. Nous sommes là tous les mercredis de 12h05 à 13h30 en direct sur Jet FM 91.2 et sur jetfm.fr. Vous pouvez nous contacter en direct donc dans le studio au 02 28 25 23 88 et à maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2020. Notre programme, nous allons parler de violences policières, nous allons parler des prisonniers qui sont toujours en lutte au CRA des Oissel et nous diffuserons un auteur qui parlera de son livre qui s'intitule « Barcelone contre ses habitants » et nous terminerons par les annonces. Des violences policières, mais ce terme est inacceptable dans un état de droit. Ah bah, on va l'entendre effectivement. On va entendre tout ça ensuite parce qu'on y diffuserons un son dans ce volet. Donc on voulait parler, surtout revenir sur parler d'une personne qui s'appelle Guy Camara. Il y aura, alors Guy Camara, en fait, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018 à Épinay-sur-Seine, Guy a été abattu injustement dans son véhicule. Les policiers sont acharnés en tirant à 8 reprises et Guy a reçu une balle dans la tête. Alors qu'il ne représentait aucune menace, alors qu'il ne commettait aucune infraction, aucun délit, aucun crime. Cette histoire peut être à la vôtre. Donc il y a un rassemblement prévu, un rassemblement commémoratif donc, qui est prévu le 9 février prochain à Champs-sur-Marne, à partir de 13h au gymnase Descartes. Durant ce rassemblement, il y aura aussi la projection d'un court-métrage qui s'intitule « Malgré eux » et qui traite des violences policières. Donc dans cette affaire de Guy, en fait, il y a une double enquête qui a été confiée à la Sûreté départementale pour recel de vol, refus d'obtempérer et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN a été saisi également. Les policiers n'ont pas été placés en garde à vue. Le parquet estimant que les déclarations concordaient et accréditaient donc la légitime défense. La famille, quant à elle, s'est constituée partie civile et elle a déposé plainte pour homicide volontaire et elle dénonce une volonté de faire traîner l'affaire. Il aura fallu 4 mois pour qu'un juge d'instruction soit désigné et 13 mois après l'assassinat de Guy, seuls 2 témoins ont été entendus. La famille n'avait toujours pas été reçue et les policiers toujours pas interrogés. Et c'est donc, encore une fois, le motif de la légitime défense qui servira à la juge pour prononcer un non-lieu, donc ce non-lieu qui a été prononcé le 26 octobre 2019. Alors, je vous propose d'écouter un son où on entend Mamadou Camara, donc le frère de Guy, qui prend la parole. C'était le 16 mars 2019, la marche contre le racisme d'État et les crimes policiers. Donc c'est une marche qui était partie de la Madeleine pour arriver à Place Stalingrad, où eurent lieu donc des prises de parole des familles de victimes et des collectifs organisateurs. On se retrouve dans 10 minutes. Bonsoir à tous, j'ai plus de voix moi, depuis là-bas c'est moi qui crie des slogans. Je vais vous parler de l'histoire de mon petit frère. Mon petit frère s'appelle Guy Camara. Guy Camara, c'est un jeune homme de 26 ans qui a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine. Au début, ils avaient menti. Il nous avait dit comme quoi qu'il avait voulu forcer un barrage et moi j'ai dit non, je ne crois pas à cette version. Parce que quand on a tué Guy, parce qu'au début, ils ont voulu l'accuser d'avoir volé une voiture. J'ai fait mon enquête parce que là, en fin de compte, je fais le travail de la police. Et en fin de compte, quand mon petit frère, quand le véhicule a été volé en question dans votre ville, mon petit frère n'était même pas sur le territoire français. Et j'ai ramené tous les documents à mon avocat. Je lui ai ramené le passeport, le billet, comme quand Gaïn n'était pas sur le territoire français. Un véhicule a été déposé à Épinay-sur-Seine. Mon petit frère a été dans son véhicule avec un ami à lui et mon cousin. Ils ont déposé l'ami en question qui devait récupérer le véhicule, qui s'est fait interpeller par la police. Quand Gaïn a déposé son ami proche du véhicule en question, qui disent qu'il était volé, Gaïn partait. Quand Gaïn est parti, les policiers ont surgi. En partant, ils n'ont pas fait de sommation. Ils ont tiré à 8 reprises dans le véhicule à Guy. Ils ont tiré, et 2 policiers à l'arrière ont tiré à l'arrière dans son véhicule. Et un policier qui était sur le côté, après que Guy soit passé, a tiré dans le haut du corps. Et Guy, malheureusement, a pris une balle dans la tête de ce côté-là. Aujourd'hui, moi, je me bats contre un système et une justice qui est corrompu, il ne faut pas le cacher. Parce que ça fait un an, et aujourd'hui, parce que Gaï est décédé dans la nuit du 16, ça fait un an et 3 mois que nous demandons que les policiers qui ont tué mon frère soient traduits devant la justice française, soient interrogés par la juge d'instruction, et ça fait un an que nous nous battons. Sachez-le aujourd'hui que personne n'est à l'abri de se faire tuer par la police française. Et ça, il faut bien le dire. Quand la police française tue, l'État les protège. La justice est avec eux. Les médecins légistes mentent sur la mort de jeunes qui se font assassiner par la police. Sachez-le aujourd'hui que sans vous, rien n'est possible. C'est pas une différence de couleur ni de religion. Tout le monde, il est touché. Tout le monde, il est touché aujourd'hui. Donc, c'est quoi ? On vit dans un État de dictature. Faut pas avoir peur de le dire. Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est de la dictature. Quand vous sortez dans les rues pour manifester, vous perdez des yeux, vous perdez des mains. Mais nous, malheureusement, ça fait 40 ans qu'on perd nos vies dans nos quartiers. Et ça, tout le monde était muet à nous faire passer pour des racailles, à nous faire passer pour des gens qui ne sont pas éduqués. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de résister. Mais quand on résiste, c'est ensemble qu'on résiste contre un système corrompu. Et c'est ensemble que ce système-là tombera. Sachez-le que si on résiste pas, bah demain, ils feront encore pire, ils viendront chez nous nous tuer. Là, c'est dehors qu'ils nous tuent, mais demain, ils passeront chez nous nous tuer, c'est comme ça que ça se passe. Et sachez-le aujourd'hui que la police française n'a jamais, bon, avec la frangine qui vient de dire que le policier a été condamné, mais c'est rare de voir des policiers qui ont commis des atrocités, des meurtres, parce que c'est pas des bavures, ce n'est plus des bavures. L'État a donné le droit à la police de tuer depuis que la loi contre le terrorisme a été votée. Et c'est qui cet État-là? C'est cet État soi-disant de gauche. C'est l'État de gauche qui a voté pour que les policiers puissent faire usage de leurs armes. N'oubliez pas ça. Quand vous allez voter pour des personnes, allez voter pour des personnes qui vont être là à vos côtés. Allez voter pour des personnes qui vont vous écouter. Parce qu'aujourd'hui, la population française, les Français ne sont pas écoutés. Mais sachez-le que nous, ça fait longtemps qu'on est discriminés dans nos quartiers. On est issus des quartiers populaires. Nous sommes fils d'immigrés, élevés en France, nés en France. Mais malheureusement, la France nous a toujours mis de côté. Nous a toujours différenciés. Mais quand nous, on ramène la Coupe du Monde, là, on est Français. Ah oui. Mais quand on fait des délits, bah là on n'est plus français, on est fils d'immigrés. Et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Nous nous battons contre un système corrompu. Moi j'ai pas peur de le dire et je le dis tout le temps. Vous avez tué mon frère, je n'ai pas peur d'aller en prison. Vous avez tué mon frère, la mort, je n'ai plus peur de la mort. J'avais un doute pour la mort avant, mais après que j'ai enterré mon frère, j'ai compris qu'un jour ou l'autre moi aussi je partirais. Mais pas dans des conditions comme ça. Personne ne mérite de mourir dans les mains de cette police criminelle qui tue. Et ça, il faut le dire, c'est une police criminelle. C'est des criminels qui ont des armes et qui tuent nos frères. Mais malheureusement, quand on voit des personnes avec des kalachnikovs qui viennent au Bataclan, les policiers, on les voit pas. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Parce que Gaï Camara n'était pas armé. Toutes les personnes qui sont tuées par la police n'avaient pas d'armes. Toutes les personnes qui sont mutilées par la police ne sont pas armées. Donc, il faut demander une justice pour tous, mais il faut demander aussi de désarmer ces criminels. C'est ça qu'il faut demander aujourd'hui. Désarmer la police. Parce qu'ils tuent en toute impunité. Et ça, il faut que ça cesse. Et la France se permet de donner des leçons de morale aux autres pays. Mais avant de vouloir balayer chez les pays des autres, balayons devant la France. Et c'est ça le vrai problème. Sans la justice, ils n'auront jamais la paix. Il faut que vous sachiez aussi que sans vous, rien n'est possible. Nous, on a fait un stand aujourd'hui avec un t-shirt. C'est symbolique. Il est à 10 euros. Il y a eu une justice pour reposer en paix. On demande juste une justice. Vous vous rendez compte? On est obligé de se mobiliser, de marcher pour que la justice fasse son travail. Mais il est où l'état de droit dans ce pays? Il n'existe pas. C'est de la dictature. N'ayez pas peur de le dire, c'est de la dictature. Macron, c'est un dictateur. Faut pas avoir peur de le dire. Moi, demain, j'ai pas peur d'aller en prison. S'ils viennent me chercher, c'est pas grave. Nelson Mandela a fait des années en prison. Il est sorti. Et la France, sachez-le aujourd'hui, parce que nous, on n'est pas là par hasard. Nos arrière-grands-parents ont laissé quelque chose que la France ne pourra jamais payer. La dette de sang. C'est ça qu'il faut dire. La France a colonisé l'Afrique. La France a encore des colonies en Afrique. Mais cette France, ça les dérange que les immigrés viennent. Mais n'oubliez pas une chose, cette même France pille l'Afrique. Et si vous voyez tous ces beaux bâtiments, c'est que toutes les multinationales qui sont en Afrique pillent l'Afrique. Donc, c'est dans notre droit d'être ici. On vient récupérer ce qu'ils nous ont pris dans nos pays. Et c'est ça qu'il faut dire. Sans la justice, ils n'auront jamais la paix. Et ça, faut rien lâcher. Faut pas avoir peur d'eux. Parce que c'est des êtres humains, c'est tout. On parle de puissance, ils n'ont rien de puissant. C'est pas des puissants. Le puissant, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Sinon, c'est pas des puissants. Sans la justice, ils n'auront jamais la paix. Et sachez-le aujourd'hui, Le pouvoir, il appartient au peuple. Oui. Le pouvoir, il appartient au peuple. C'est le peuple qui a voté pour que ces criminels soient à la tête de l'État. Et c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est tout. Parce que quand on sort dans la rue et qu'on demande nos droits, on se fait matraquer, on se fait tirer dessus, on se fait tuer. Et ça, c'est pas normal dans un pays de droit. Maintenant, il faut s'organiser et être là à nos côtés parce que nous, ça fait 40 ans qu'on le dénonce. Mais malheureusement, certains, ça a pris du temps, mais il fallait que certaines personnes le subissent. Avec le mouvement Gilets jaunes, ils ont compris que ce que nous dénonçons depuis 40 ans dans nos quartiers, bah, c'est la stricte réalité. Ces révoltes, c'est pas par plaisir. Ces révoltes, c'est pas par plaisir. Et les derniers en liste sont Adam et Fatih. Donc, sachez-le aujourd'hui, l'immigration, elle est en France et on ne partira pas. Moi, je suis fils d'immigré, élevé dans le respect et j'en suis fier. Pas de justice. Et pas de justice. Pas de justice. Merci à tous. Merci. Vous avez fait une belle marche. Merci à tous. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur jetfm.fr. Donc nous venons d'entendre Mamadou Camara, donc le frère de Guy qui était assassiné il y a 2 ans. C'était donc une prise de parole, comme je l'ai dit, lors de la marche du 16 mars, une marche contre le racisme d'État et les crimes policiers. C'est un son qui nous vient de Radio Croco. Et vous pouvez retrouver aussi d'autres... prises de parole donc de cette même personne sur d'autres sites comme l'actualité des luttes sur actualitedeslutte.info qui date du 18 février 2019. Nous allons faire avant de faire une pause musicale, je voulais aussi rappeler que sur le site desarmons.net en fait qui un collectif qui est géré par un collectif qui est contre les violences d'État. Donc, vous pouvez retrouver les informations que j'ai citées auparavant. Donc, l'impunité policière et la valse des non-lieux. Donc, non-lieux dans la mort de Guy Camara, donc, qui a été abattu par la police le 16 janvier 2018. Et voilà. C'est un article qui date du 8 novembre 2019. Nous faisons une pause musicale avant de continuer. Non, c'est impossible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible tous tes textes sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peura est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible. Le braqueur introuvable, le voleur invisible. Le rappeur terrible, imbattable, incorruptible. T'es peu crédible et minable, c'est méprisable et risible. Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu sais, bosser souvent est une chose honorable. Alors attaque tout doucement, commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Quoi? Chez toi y'a pas le dictionnaire. Allez apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Oui, j'avoue qu'à l'écoute de ton titre, j'ai chopé la courante et pété une durite. T'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes. J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir pouffé une arête. Les minettes du R&B avec leurs amourettes. Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête. Me cramer la plante des pieds avec des cigarettes. T'as sûrement du mérite, ou j'ignore ce que je rate. Mais tu mérites et puis cette daube a été écrite à la hâte. Ce fond de teint va à ta robe favorite. Mais en revanche n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate. Ceux qui disent le contraire ne sont que des hypocrites. Tu n'es pas prête, retourne à des activités concrètes. Je ne sais pas pas acrobate, avocate ou marionnette. Je veux juste que tu dégages de mes pattes pour être honnête. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Quoi? Chez toi y'a pas le dictionnaire? Allez apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Brun, ténébreux, mal rasé, malheureux, méprisé d'après eux et proche des miséreux. Pense à la guerre, à l'effet de serre entre midi et deux. Pleure chez Michel Drucker d'un air con et mielleux. Adore toujours tout le monde face à la caméra. Derrière insulte tous les nouveaux artistes de scélérat. Mesdames et messieurs, veuillez célébrer la chanson française vieille et décérébrée. Décroulant, encombrant, camé, encombré d'un public de mémé qui fait canevas et macramé. Has-been à la peine que l'échec a puni, mais qui tentent tout de même leur chance aux États-Unis. Cessez les retours ratés, les textes formatés. Arrêtez la variété, la fameuse chanson de l'été. Et puis laissez tranquille tous les fantômes du passé. Claude François, Joe Dassin, putain y'en a assez. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Quoi? Chez toi y'a pas le dictionnaire? Allez apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te taire. Tu veux chanter? C'est un projet qui est sûr ça. T'es sûr de toi sur cette affaire? Pourquoi par exemple t'irais pas plutôt t'empaler sur une poutre ou te pendre à un pylône ou je sais pas, parler à une porte ou chante, vas-y chante, mais ferme la bouche. Ouais, chante en fermant la bouche, je te promets c'est possible, je l'ai fait une fois, c'était il y a longtemps, mais vas-y fais. Ha. Apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à taire. Apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à taire. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. Nous allons continuer ce volet contre les violences policières, parce que j'ai entre les mains un papier, c'est une pétition en fait qui a été lancée dans la semaine dernière, il me semble, et qui s'intitule « Laissez-nous respirer ». Donc c'est un appel des familles contre l'impunité des violences policières pour l'interdiction des techniques d'immobilisation mortelles et des armes de guerre en maintien de l'ordre. On voit ici que les familles s'organisent ensemble, ce qu'on entendait dans le son qu'on a écouté, donc la prise de parole de Mamadou Camara, il y a un besoin de s'organiser entre personnes qui ont perdu un proche suite à une interpellation de la police. Donc c'est une pétition qu'on peut retrouver sur change.org, mais aussi sur le site vivoler.org, qui est un collectif de familles qui ont perdu un proche suite à l'intervention de la police. Donc je vais lire cet appel qui s'intitule « Laissez-nous respirer ». Cédric Chouvia est le premier mort de l'année à cause de violences policières. Sera-t-il le dernier de la longue liste des personnes tuées par les forces de l'ordre? Les statistiques des années précédentes nous font craindre que ce ne soit pas le cas. 26 décès en 2019, combien en 2020? Nous apportons tout notre soutien et notre entière solidarité à la famille de Cédric pour qu'ils obtiennent la paix et la justice qu'ils demandent. Car c'est aussi notre histoire. La vérité, la justice et la paix, c'est aussi ce que nous demandons pour Lamine Dieng, Adama Traoré, Aboubakar Abdou, Abdelhakim Najimi. Il y a des dizaines et des dizaines de noms et beaucoup de personnes qui sont mortes suite à un pliage, à une asphyxie dans un véhicule de police. Et des dizaines, entre parenthèses, d'autres malaises cardiaques, asphyxie, entre parenthèses, entre guillemets, malaise cardiaque, asphyxie et mort naturelle, sans autres détails communiqués aux familles. Ce 3 janvier 2020, c'est Cédric Chouvia qui est décédé par asphyxie après une clé d'étranglement et un plaquage ventral. Les témoins de cette interpellation ont confirmé ce que nous dénonçons depuis toujours. L'utilisation délibérée par les agents des forces de l'ordre de techniques extrêmement violentes et potentiellement létales, selon la dénomination officielle. Clé d'étranglement, plaquage ventral et pliage, ces trois pratiques ont pour but d'immobiliser une personne en lui comprimant le thorax et le cou pour entraver la respiration. Mais plus la compression dure, plus l'interpellé manque d'oxygène et plus il se débat. Et plus les agents renforcent leur pression. Et plus cette violence tue. Malgré les condamnations répétées de la France par la Cour européenne des droits de l'homme et par l'ONU, ces techniques continuent d'être pratiquées et de causer la mort. Malgré la condamnation de ces usages par la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'État se contente de justifier le travail de ses agents. Comme la femme, les enfants et le père de Cédric, nous avons fait confiance à la justice de notre pays, mais notre expérience, pour que la vérité soit faite sur les violences qui ont tué nos proches, nous a fait découvrir la réalité d'un déni de justice systématique pour les victimes. Un déni entretenu par une véritable culture du mensonge qui entraîne une culture du non-lieu. La famille Chouvia a déjà subi le même traitement de la part des autorités que celui que nous avons connu. Non-information des proches, puis mensonge sur les causes de la mort, mépris de toute compassion élémentaire, tentative de criminaliser la victime pour la déshumaniser et maintien en activité des responsables de la mort d'un homme. Autant de souffrances, d'insultes, de calomnies qui s'ajoutent à la douleur des familles. Ces contre-vérités des premières heures justifient des années de procédures interminables, d'enquêtes administratives et d'instructions bâclées, voire conduites à charge contre les victimes et leur entourage. Et bien sûr, des frais de justice considérables. C'est tout un système auquel sont confrontées les victimes et leurs familles qui révèle une impunité permanente aux membres de forces de l'ordre qui blessent, mutilent et tuent. C'est une violence judiciaire qui excuse, absout et prolonge les violences policières. Ces brutalités permanentes étaient auparavant réservées aux habitants des quartiers populaires, comme le mouvement de l'immigration et des banlieues le dénonçait il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, elles débordent dans les centres-villes. Et tous les témoins du déchaînement furieux de la force publique contre les mouvements sociaux peuvent désormais comprendre la violence d'État qui nous est imposée. Cette violence assermentée, à présent visible jusque dans les quartiers bourgeois, est également celle des armes classées armes de guerre. Là aussi, d'abord utilisées dans nos quartiers. Le flashball est apparu en 1999. Il a aussitôt éborgné Ali Alexis à Villiers-sur-Marne. Cette arme a été remplacée par le LBD qui a été inauguré en 2007 à Villiers-le-Bel pour mater la révolte des habitants après la mort de Mouchine et Larami percutés par un véhicule de police. Et les grenades comme celle qui a tué Rémi Fraisse en 2014 ou celle qui a tué Zineb Redouane en 2018, comme celles qui ont mutilé des dizaines de personnes et grièvement blessé des centaines lors des dernières manifestations. Ce sont les mêmes qui explosent dans nos quartiers depuis presque 10 ans. Ce ne sont pas des bavures ni des dérapages, mais des pratiques régulières autorisées par un État qui assume de pouvoir blesser grièvement, mutiler ou tuer un homme pour un contrôle d'identité. C'est pourquoi nous exigeons l'interdiction totale de l'usage par les forces de l'ordre de toutes les techniques d'immobilisation susceptibles d'entraver les voies respiratoires. L'interdiction totale des armes de guerre en maintien de l'ordre, donc tout ce qui est LBD, les grenades et tout ça. La création d'un organe public indépendant de la police et de la gendarmerie pour enquêter sur les plaintes déposées contre les agents des forces de l'ordre. La mise en place d'une réglementation qui associe la famille dès le constat du décès et la publication chaque année par le ministère de l'Intérieur du nombre de personnes blessées ou tuées par l'action des forces de l'ordre, du nombre de plaintes déposées pour violence par les forces de l'ordre et du nombre de condamnations prononcées. Et nous vous appelons aussi tous et toutes à nous rejoindre le 14 mars à Paris pour la marche de la Journée internationale contre les violences policières. Donc laissez-nous respirer, vérité, justice, pas de justice, pas de paix. Et du coup, c'est à l'appel du collectif, comme je l'ai dit, Vive Volé, et des collectifs de familles qui ont perdu un proche suite à l'intervention de la police. On se fait une pause musicale ? Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles.

Ils ont fait tuer pour de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. Je fais des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis Lettre à la République. Oui. On est toujours dans l'émission du magazine Libertaire en direct sur JTFM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur JTFM.fr. Donc maintenant, on voulait donner des nouvelles de ce qui se passe dans les CRA, notamment au CRA de Wassel dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous avons relayé les communiqués. Et les personnes avaient commencé une grève de la faim. Ils revendiquaient notamment la fin des violences policières, de la xénophobie des policiers et de leur racisme, et un minimum d'hygiène et de dignité et de la nourriture correcte. Donc là, nous avons un papier qui vient du site, du blog Abalekra, que nous avons déjà cité la semaine dernière, donc tout attaché à balekra.noblogs.org, et qui est daté du 3 février 2020. Donc il s'appelle France Terre d'Asile n'est qu'une association de paille. Les prisonniers demandent le départ de France Terre d'Asile du CRA de Wessel. C'était d'ailleurs ce qu'ils dénonçaient aussi dans le troisième communiqué que nous avons lu la semaine dernière. Donc l'inaction de cette association qui intervient au centre de rétention de Wessel. Le collectif des prisonniers du CRA de Wessel est toujours en lutte et continue à demander le départ de France Terre d'Asile avec un nouveau communiqué et en témoignant à la radio ce qu'ils pensent de France Terre d'Asile. La radio, donc du coup, je peux vous donner tout de suite les liens. Il y a des émissions très intéressantes que vous pouvez retrouver en podcast, notamment sur le site de L'Envolée, donc l'émission anticarcérale qui est diffusée tous les vendredis à 19h sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Donc l'émission du 31 janvier, il y a un appel d'un prisonnier donc du CRA de Wessel pour parler des violences policières et de l'association France Terre d'Asile dont il demande le départ. Et il y a aussi une deuxième émission qui est très intéressante et qui est en podcast sur actualitédesluttes.info et qui s'intitule Centre de rétention, daté du 3 février 2020. Et là aussi, vous pouvez retrouver des témoignages de personnes du CRA de Wessel, mais aussi du CRA de Vincennes, qui eux aussi se révoltent et sont en grève dès la faim. Et il y a de la répression dans ce centre de rétention aussi. Donc la situation à Wessel reste dure. Si la grève de la faim du 22 janvier a fait gagner aux prisonniers la possibilité d'avoir un repas végétarien, le chauffage est encore cassé. Surtout, les intimidations de la part des flics n'ont pas arrêté, les tabassages non plus. Jeudi dernier, un prisonnier a été tapé dans la cellule d'isolement, à côté de la pièce où France Terre d'Asile a son bureau. Les prisonniers entendaient leurs copains qui criaient, mais apparemment, l'ouïe des salariés de France Terre d'Asile fonctionne moins bien. Après l'isolement, le prisonnier a été déporté. Des personnes solidaires avec les prisonniers ont continué à appeler France Terre d'Asile de l'extérieur pour dénoncer leur inaction. et la complicité totale donc de cette association avec la police et la préfecture. Donc on peut donner ici leur numéro si des personnes ont envie de les appeler pour se demander ce qu'ils font. C'est le 02 35 68 75 67 et c'est un numéro qu'on peut retrouver je pense dans les on peut le trouver sur internet donc voilà, on peut le donner ici. Les dirigeants de France Terre d'Asile n'ont pas apprécié qu'on leur dise ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des collabos. Au point que Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile et candidat pour le 10e arrondissement de Paris, avec son typique paternalisme dégueulasse, déclare que les prisonniers seraient manipulés par des militants de l'ultra-gauche qui se battent contre l'existence des CRA. Comme si les personnes sans papier avaient jamais eu besoin d'attendre quelqu'un pour se révolter contre la machine à expulser. Donc le collectif des prisonniers d'Oissel a décidé de répondre et je peux lire leur communiqué. Bonjour, nous répondons aux déclarations du président de France Terre d'Asile qui prétend que le collectif des personnes retenues est manipulé par l'ultra-gauche. Il y a un décalage entre le déclaratif et la réalité. Cela nous a amené à dire que ce ne sont que des propos malheureux. C'est vrai que notre collectif ne peut pas plaire à tout le monde. Le président de France Terre d'Asile ferait mieux de balayer devant sa porte. Que plaise ou non, nous réclamons haut et fort le départ des trois représentants de France Terre d'Asile au CRA d'Oissel, car ils ne sont pas à la hauteur de leur mission. On se pose des questions en permanence sur cette association, donc sur France Terre d'Asile. Mais nous ne rentrons pas dans aucune polémique, on s'interroge sur cette association avec un esprit critique. Car au fond, France Terre d'Asile n'est qu'une association de paille. Affaire à suivre. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc des informations, suivre ce qui se passe donc dans, à Oissel et à Vincennes. Donc comme je le disais, il y a aussi une grève de la faim et de la répression au CRA de Vincennes et sur abalecra.noblogs.org. Et on peut aussi témoigner de notre solidarité avec les personnes, donc les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont enfermées à l'intérieur du CRA de Oissel. Et on peut rappeler le numéro de la cabine qui permet de joindre directement les prisonniers. Donc c'est le 02 35 68 61 56. 02 35 68 61 56. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, parce que continuer comme ça, j'étais encore fragile, je sentais que tu fallais me renforcer, apprendre, et puis aller dans la gueule du loup, vraiment, dans la capitale de l'impérialisme. C'est là que je devais venir, c'est là que ça devait, l'épreuve décisive devait se passer. Je suis né juste après l'extinction d'un feu, dont je garde des braises fumantes au creux. De ma gorge, de ma langue, de mes yeux, à ce pays de sable, je n'ai jamais dit adieu. On m'a porté à bout de bras jusqu'ici, dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit, dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie. Ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain. C'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre, c'est comme les mots rares d'un analphabète. Et puis j'ai grandi en apprenant des noms de géants. Pharaon, Fanon, Kateb, Yassine, comme le trésor de guerre à la fin du film. D'un bout à l'autre de ma trajectoire, de l'Algérie s'évade et revient me voir, tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir le pas de mon père et ses mains noires. Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés. Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère, qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains d'Aimé Césaire, qui m'ont hypnotisé, quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint, sans oublier le poing de Tommy Smith, de France Fanon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks et d'Angela Davis. Les mains mutilées, empalées, empilées, gangrénées, à genoux, sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés. Imaginez ce spectacle extraordinaire, dit volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle licence prodigieuse. Ça vous bute les bimbos. C'est donc une colère cosmique. Une colère cosmique est tournée la colère créatrice. Elle est créatrice. Ah, nous sommes loin, cette déride sous la mer endormie, c'est beaucoup mieux que ça. C'est des termes de colère, c'est des termes exaspérés, c'est des termes qui crachent, qui vomissent et qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer la première. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir, une sorte d'acceptation et de résignation. Toujours dans l'émission du magazine Libertaire, en direct sur Jet FM. Nous allons maintenant diffuser un enregistrement que Yann a réalisé en 2014. C'est à propos de Barcelone, où s'entrecroise la Révolution espagnole, avec déjà un enjeu urbain autour du droit à la ville face à un processus de gentrification, naissant ou pas. Donc c'est l'auteur qui s'appelle Chris Hellman qui parle de son bouquin, de son livre, donc Barcelone contre ses habitants 1835-1937, quartier ouvrier de la Révolution, qui est sorti donc le 9 octobre 2014. Donc c'était, voilà, il présentait son livre en fait peu de temps après la sortie. On peut lire un petit résumé du livre avant de lancer l'enregistrement. Dès 1830, Barcelone connut une expansion urbaine, donnant naissance à une nouvelle zone de la ville, le quartier chinois. Ce quartier, sans aucun immigré chinois, avait la réputation d'être le concentré des vices de la plèbe. Chris Hellman, historien anglais, montre à quel point il s'agissait là d'une construction politique de l'élite barcelonaise, profondément inquiétée par les classes dangereuses. Alors que les conservateurs, de droite ou de gauche, présentèrent la révolution de 1936 à travers le mythe de la foule enragée, des comités de quartier, nés des barricades fondées sur le partage de l'auto-organisation ouvrière, étaient porteurs d'un projet urbanistique révolutionnaire. Chris Hellman, donc, c'est un historien anglais qui est spécialiste de la guerre d'Espagne. Il a notamment publié un autre livre qui en français s'intitule « Les anarchistes dans la ville, révolution et contre-révolution à Barcelone ». Il vit et travaille en Madrid, on va l'écouter tout de suite. Donc il parle en anglais, mais il y a une traduction immédiate qui suit. Et ça devrait normalement nous mener à la fin de notre émission. Il y a ce livre de Chris, « Barcelone contre ses habitants », qui ouvre dans la collection « La Rivière de la Nuit » une critique de l'urbanisme, une histoire de l'espace et une volonté de mettre un petit peu le focus sur cette notion-là. Qu'est-ce que c'est la ville et comment en fait ça peut être le théâtre dans ce cas-là de révolution, de contre-révolution, et du coup comment aussi on peut s'en saisir de cette notion-là pour perpétuer des luttes sociales, etc. Donc on a publié dans cette veine-là un autre texte. Voilà, Derek Lyle, un journaliste américain, sur le lien entre art contemporain et gentrification au travers de l'exemple de Miami. Voilà, où il montre très bien que à la fois les artistes contemporains établis et les artistes contemporains alternatifs, au final, servent la même chose, qui serait donc l'expulsion des classes populaires du centre-ville et l'augmentation des loyers. Donc en plus, on est dans un contexte des États-Unis où c'est largement plus avancé que nous sur cette question. Ok, my book is less attractive than these, but in some ways. It's a tale of two cities, a story of urban dreams and frustrated utopias. It's a story of an elite city and a popular city, a working class city. So the first part of the book looks at urbanism from above, of elite attempts to restructure the city, to increase social control in the city. Donc, ce livre qui peut sembler moins attrayant que les livres de contes, et si on fait une deuxième édition, il voudrait avoir le même format. Donc, son livre, c'est un livre qui raconte l'histoire de deux villes, une ville de l'élite et une ville populaire, une ville ouvrière. C'est un livre qui raconte l'histoire de rêves urbains et d'une utopie frustrée. Donc d'un côté on avait cette ville que l'élite voulait créer, donc c'est l'histoire d'un urbanisme par en haut, et l'histoire de ce que l'élite a tenté de faire pour restructurer la ville, pour contrôler la population. And the second part of the story is a tale of urbanism from below, revolutionary urbanism from below. It's a story of attempts by the common people, the anonymous masses, to take control of their city and create a fairer city. It's also a case study of the Spanish Revolution, which I consider to be the great lost revolution of the 20th century. When people think of revolution in the 20th century, they think of the Russian Revolution, but the Spanish Revolution had far more popular involvement, far more popular decision-making. It was much more a revolution from below. And many histories, most histories of the Spanish Civil War, ignore this revolution, this profound revolution. Donc dans la deuxième partie du livre, c'est plutôt une histoire de l'urbanisme par en bas, une histoire de l'urbanisme révolutionnaire par en bas. Et c'est l'histoire de ce que les masses anonymes, le peuple a tenté de faire pour prendre le contrôle de leur ville et la rendre plus juste, plus équitable. C'est aussi donc une étude de la Révolution espagnole, qui est la grande révolution perdue du XXe siècle, selon Chris. Mais donc c'est une révolution, quand les gens pensent à la Révolution, en général on pense au XXe siècle, on pense à la Révolution russe, et la Révolution espagnole était bien plus populaire, avec le peuple y était bien plus impliqué, avec beaucoup d'assemblées populaires et de décisions prises par le peuple et effacées. But what unites the book is the city. The city is in the foreground. Its geography, the structures of the city, the way the city was a continuous battleground in everyday life. And I try to explore what Henry Lefebvre, if you excuse my French, defines as the central duality of the capitalist city, the way for some people the city is a center of play and liberation, the way for others the city is a center for power and repression. Okay. Ce qui unit ce livre, c'est la ville, donc elle forme le premier plan du livre avec sa géographie, ses structures, le champ de bataille permanent qu'elle constituait dans la vie tous les jours. Et il essaie d'explorer ce que Henri Lefebvre a identifié comme la principale dualité de la ville, donc d'un côté... pour certains, centres de jeu, de libération, et pour d'autres, centres de répression et de pouvoir. Et donc... The reason I go back to the 1830s, and it's not a chronological study of Barcelona to the 1830s, but I feel that the kind of cultural ideas that inform the revolution are taking shape all the way back, you know, over a 100-year period. Donc la raison pour laquelle il est retourné jusque dans les années 1830, c'est parce qu'il pense qu'il y a donc une des idées culturelles, une culture des idées qui a été formée depuis une centaine d'années à Barcelone. But the second point about ending in 1937 is basically 1937 is a kind of decisive moment where you have the final revolutionary explosion in Barcelona with the so-called May Days of 1937. Donc la raison pour laquelle il a terminé le livre en 1937, c'est parce qu'en mai 1937, il y a eu cette dernière explosion révolutionnaire, et c'était le moment décisif et final avec ce qu'on a appelé donc les événements de mai. And this is when the anarchists, the masses of Barcelona, effectively seize control of the city for a second time. But the anarchist leaders effectively denounce or turn their backs on revolution. C'est le moment où les masses s'emparent à nouveau de la ville pour une deuxième fois. Donc le peuple s'empare de nouveau de la ville pour une deuxième fois, au moment où les leaders anarchistes en fait leur tournent le dos et tournent le dos à la révolution. Now, there are still echoes of the revolution until the end of the Civil War and the definitive triumph of the Francoists. But, you know, workers are still in control of some factories, but the real future of the revolution is at an end in May 1937. Bien sûr, il y a eu des échos de la révolution jusqu'en 1939. Les travailleurs, certains travailleurs contrôlaient encore leur usine, mais le futur de la révolution s'est terminé en mai 1937. In the first part of the book, I focus on elite urban utopias, and in particular, I focus on the Raval district. I don't know whether any of you know Barcelona, but the Raval district is the bottom part of Barcelona, near the Ramblers, going down to the port. You can always buy the book and have access to this fantastic map, which you could also use on your next visit to Barcelona. Now, the Raval was the birthplace of Catalan industrialization. It was home to an inner city working class community, and it was a rough working class community with sailors, dockers, and it was a center for urban rebellion and protest. Donc dans la première partie du livre, il étudie donc les utopies urbaines de l'élite à travers le quartier du Raval. Donc vous avez la carte au début du livre. Et donc il se concentre sur ce quartier-là qui était donc au centre de Barcelone, près des Ramblas, et on pouvait descendre donc vers le port. Et ce quartier, c'est le lieu où est née l'industrialisation à Barcelone. Et c'était là que vivait la communauté ouvrière, avec donc beaucoup de marins et de dockers qui y vivaient. Et c'était le point de départ de la rébellion urbaine. So the bourgeoisie, the elites of the city, were obsessed with seizing control of the city center, reclaiming total control of the city. And the way they aimed to do this was through urban planning. They wanted to restructure the city to effectively isolate and move what they saw as the dangerous classes from the city center. Donc la bourgeoisie de Barcelone était obsédée par le fait de reprendre le centre de la ville, pour contrôler la ville tout entière. Et c'est grâce à l'urbanisme qu'elle voulait faire ça. Elle voulait restructurer la ville et isoler la population ouvrière loin de ce centre-ville. And in a sense, this shows the failure of the elite utopia, because even today in Barcelona, the urban elites are trying to secure control of this area. There are still a lot of panics, elite panics, and fear about the potential for rebellion and disorder coming from this neighborhood in the Raval. Donc on voit aussi l'échec en fait de la bourgeoisie de Barcelone, parce que même encore aujourd'hui, elle essaie toujours de reprendre cette zone-là de la ville. Et il y a encore des paniques et des peurs quant au danger potentiel qui est représenté par ce quartier. So I look at the cultural dimensions of this fear, the urban elite fears, how the elites construct outsider groups, and these outsider groups were meant to be a threat or a danger to the city. And a lot of this was expressed in racist terms. So the Raval becomes labeled Chinatown, even though there were no Chinese living in Barcelona, or there was a very, you know, tiny, insignificant group of Chinese people, you know, not enough to run a restaurant. So this is basically this panic, this Chinatown panic, reflects the racist anxieties of the period, the fear of the yellow peril, the idea that Asia was a threat to European civilization. Donc il étudie aussi les dimensions culturelles de ce projet urbain bourgeois et les peurs que l'élite avait quant à cette zone, et comment il construisait en fait des marginaux. Et ces marginaux étaient identifiés comme une menace, comme un danger. Et c'était exprimé en des termes racistes, et donc le Raval est devenu le Barrio Chino, le quartier chinois, alors qu'il n'y avait pas vraiment de Chinois à Barcelone, pas assez en tout cas pour ouvrir un restaurant. Donc oui, ces peurs étaient liées à ce qu'on appelait à l'époque le péril jaune. Donc c'était cette peur de voir la civilisation asiatique prendre le dessus sur la civilisation occidentale. So you get this Chinatown myth, and the Raval is represented as a diseased space, a sick space. And so this diseased, ill neighborhood needed to be morally and spatially reorganized. And what you get is a slum myth imposed on this working class neighborhood. And then you get an urban utopia, a bourgeois urban utopia, which is formulated to reorder, to restructure this neighborhood. Donc il y avait ce mythe du Barrio Chino. On parlait du Raval comme d'un espace malade qui devait être réorganisé physiquement et moralement. Et donc ça faisait c'était un projet culturel pour imposer pour faire passer le Raval pour un taudis. Donc c'est ce que Chris appelle le slum myth. C'est assez difficile à rendre en français. Et donc c'était voilà une utopie bourgeoise pour qui voulait voilà réordonner ce quartier. So, in the 1930s, this urban utopia was entrusted to Le Corbusier, who developed his celebrated Masia plan to reorganize Barcelona and reorganize much of Catalonia. This was a huge plan that was developed, and it was named in honor of Masia, President Masia, the Catalan Republican president. And there's huge myth surrounding this plan. Liberals and social democrats see it as a progressive plan that would bring modernity and progress to Barcelona. But really what the plan was about was trying to isolate rebellious groups and create happy workers who would be who would not be a threat to the system. Donc c'est à Le Corbusier qu'on a confié cette tâche, cette utopie bourgeoise, et donc il a rédigé son fameux plan Masia, qui était nommé d'après le président de la Catalogne. C'était un plan pour réorganiser Barcelone et la Catalogne. Et donc ce plan est entouré de mythes. Les libéraux et les démocrates le présentaient comme un plan progressiste, mais ce qu'en fait ce que Macia et le Corbusier voulaient, c'était isoler la population rebelle et créer des ouvriers heureux qui s'opposeraient pas au système. And you know, it's baffling for me how Le Corbusier can still be seen as a progressive thinker. His plan for Barcelona in particular was completely authoritarian. It was about hierarchy, order. It was about expelling workers from the Raval and moving them to the margins, dispersing them to the margins of the city. And if you see images of Le Corbusier's plan for Barcelona, it's very similar to his plan for Paris. It's a technocratic blueprint. It's the work of a megalomaniac, an urban terrorist. And in the case of Barcelona, it remained just a dream. It was never implemented. The authorities didn't have the money to make their dream come true. They had a very expensive dream and couldn't implement it. And then the Spanish Civil War came, which led to a new type of revolutionary urbanism. Donc il est toujours très étonné de voir comment Le Corbusier est considéré comme un penseur progressiste. C'est fini. Hein. Less so in Catalonia, because there are still urban planners and progressive democratic thinkers in Catalonia who look back to this period as a kind of golden age. But that's because of it's because Franco was so bad. You know, in France, you didn't have Francoism. So that people have nostalgia for the Second Republic, for the 1930s in Spain. But yeah, I agree with you, in France, it's over. Mm. En gros, ce qu'il dit, c'est que, en effet, c'est peut-être fini en France, mais qu'en Catalogne, c'est toujours présent cette pensée que Le Corbusier, en tout cas, peut être progressiste, notamment parce qu'il regarde à la Seconde République avec nostalgie. Ce qu'il dit, voilà, en Espagne il y a eu Franco, en France il n'y a pas eu Franco. Donc... Mais bon, il faut quand même dire qu'on a eu Pétain et que Le Corbusier, justement, ce qui sort en ce moment en France, c'est son rôle dans la collaboration. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas dit, mais you talked about. No, Le Corbusier in Catalonia is or his plan is seen in a positive way, mainly because of the people he was associated with, not because of him as such. Donc, ouais, so the two are consistent. Son plan en Catalogne est toujours bien vu aujourd'hui, malgré tout. Et donc, alors que ce plan, si on le regarde attentivement, si on regarde ces plans-là, on voit clairement qu'il était autoritaire, que c'était un plan pour... qui vénérait la hiérarchie et l'ordre. Le but, c'était d'expulser les travailleurs et de les envoyer en marge de la ville. Et donc, ces plans-là, c'était similaire à ce que Le Corbusier avait prévu pour Paris. Et Chris appelle Le Corbusier un terroriste urbain. Ce plan n'a jamais été mis en place parce que la bourgeoisie catalane n'avait pas les ressources nécessaires, donc c'était ils avaient une utopie qui était très chère à mettre en place, et donc ça n'a pas fonctionné. Et puis ensuite il y a eu la guerre civile qui a commencé, et à ce moment-là on a vu émerger un nouvel urbanisme révolutionnaire. And that brings the book to the second part of the story, which is the history of this lost revolution, which is frequently written out of the Spanish Civil War. The Spanish Civil War begins with a military coup against democracy, and the democratic state effectively collapses, the resistance to the coup becomes a revolutionary resistance, and you have this huge revolutionary explosion in Republican Spain. Really, this is the biggest revolutionary explosion in Europe since the Paris Commune. Donc ça nous conduit à la deuxième partie de l'histoire, et la deuxième partie du livre, donc est l'histoire d'une révolution perdue. C'est une révolution qui a été largement gommée de l'histoire de la guerre civile espagnole. Et donc la guerre civile commence après le coup d'état militaire. Qui voulait renverser la démocratie. Donc à ce moment-là, l'État s'effondre et on voit une résistance qui naît. Cette résistance devient une résistance révolutionnaire. Donc c'est la plus grande explosion révolutionnaire de l'Europe depuis la Commune de Paris. And what's really striking about this revolution, unlike, say, for instance, the Russian Revolution, this revolution was a grassroots revolution. It was a popular revolution. It was effectively a leaderless revolution. The main revolutionary groups at the time, the CNT, the anarcho-syndicalist union, they didn't support the revolution. The CNT leaders effectively turn their back on this revolution. The real revolutionaries were anonymous men and women who effectively made their revolution from below at the grassroots of society. And in Barcelona, this leads to a profound transformation of the city. And I look at the logic of these events at street level, how ordinary men and women effectively seize control of the streets and take control of their history. Donc ce qui est frappant avec cette révolution, c'est le fait qu'elle soit une révolution de la base. Donc les meneurs des principales organisations à l'époque, donc les meneurs de la CNT, ont tourné le dos à la révolution, ne l'ont pas soutenue. Et la révolution a été menée vraiment par des hommes et des femmes ordinaires qui ont fait leur révolution par le bas. La ville s'en est retrouvée complètement transformée et changée. Et Chris regarde la logique de ces événements au niveau de la rue et comment les opprimés ont pris le contrôle de la ville et des rues. And this was a revolution that was imposed with arms, with force. There were killings, so-called revolutionary violence. But beneath that, you've got an attempt to transform the meaning and the function of the city in an anti-capitalist way. And there's a kind of rational, I perceive a rational project at play to transform the city. Dans cette révolution, c'est une révolution qui a été imposée par les armes, par la force. Je parle aussi des meurtres et de cette soi-disant violence révolutionnaire. Mais c'était aussi surtout une tentative de transformer le sens et la fonction de la ville d'une manière anticapitaliste. Et il y voit vraiment une certaine rationalité. And I look at the way urban space and the built environment were reorganized. There are many examples of this. You can go into YouTube and see videos of workers eating in the Barcelona Ritz in 1936, surrounded by these ornate chandeliers and, you know, in opulent dining rooms, just having meals that are, you know, the Ritz in Barcelona became a kind of canteen for workers who would finish their shift in a factory, go and eat lunch in the Ritz, and then go back to factory. So there are people in their overalls. Another example is the women's prison in Barcelona, which was notorious for, you know, as a horrible place for the incarceration of prostitutes. That was demolished very early in the revolution. Donc, il regarde, il étudie comment l'espace urbain et l'environnement bâti ont été réorganisés, et on trouve de nombreux exemples. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos où on voit des ouvriers qui mangent au Ritz. Donc on voit ces ouvriers avec donc leur bleu de travail qui mangent au milieu de salles avec une décoration opulente, des chandeliers ornementés. Et donc ces ouvriers finissaient leurs heures de travail, allaient manger le midi au Ritz, puis repartaient travailler. Et on trouve aussi l'exemple de la prison des femmes qu'il y avait au Raval, prison pour femmes qui était une place, c'était vraiment connu que c'était un lieu d'incarcération, les conditions étaient horribles, notamment pour les prostituées. Et donc cette prison a été détruite assez rapidement. And then a second area I look at is the way that bourgeois collective symbols like suits, ties, money were effectively replaced. Streets are renamed, you know, for Kropotkin Street. You know, revolutionary leaders receive their homages. You get a general proletarianization of everyday life. People in the streets are wearing overalls. They're proud to be in the streets wearing overalls. And this is all a celebration of the new power of the workers. So there's a strong aspect of fiesta or festival, carnival within this. You know, workers are proud to be wearing working clothes, and they're carrying weapons, they're carrying arms on the streets. And the city comes to reflect this new working class power. Ce qu'il a étudié aussi, c'est comment les symboles collectifs de la bourgeoisie ont été remplacés, donc comme l'argent, les costumes, les cravates, les rues aussi ont été renommées en honneur des meneurs révolutionnaires, donc de révolutionnaires comme Kropotkin. Et donc la vie quotidienne aussi s'est prolétarisée, donc on voit les gens dans les rues porter des bleus de travail, ils étaient fiers de porter ces vêtements-là. Donc c'était pour célébrer ce nouveau pouvoir des ouvriers. Il y avait vraiment une ambiance, et ils étaient armés aussi, et il y avait vraiment une ambiance de fête et de carnaval. Carnaval, merci. Carnival, non. De carnaval. Et donc vraiment pour... La ville a vraiment été changée pour refléter ce nouveau pouvoir ouvrier. And then the final area I look at is the physical elimination of the enemies of this revolutionary city. So this was particularly true of members of the clergy, which was the main ideological structure of the old order. I mean, in total, 7,000 clergy die during the Spanish Civil War, not all because of revolutionary violence, these 7,000 deaths. In fact, I would argue that the terror has been largely exaggerated. If you look at Barcelona, most of the killings in Barcelona during this period were not by revolutionaries, but by the Republican authorities. Can you just repeat the figure? Hmm? What figure did you give? I didn't give a figure. Really? I don't think so. No, I just said I just said that most of them were carried out by the authorities. Yeah, would be earlier. 7,000, yeah. 7,000 okay. Priests. Yeah. Sorry. Yeah, I heard 30,000. 7,000. Pardon, petit problème technique. Donc, oui, il étudie aussi l'élimination physique des ennemis de la Révolution à Barcelone. Donc, c'est notamment des membres du clergé ont été tués. Et donc, le chiffre qu'il a donné, c'était 7 000 qui ont été tués. Mais la plupart des... Donc, l'Église était... La principale structure idéologique du vieil ordre urbain, donc c'est pour ça qu'elle a été particulièrement visée. Et la plupart, mais faut souligner que la plupart des meurtres qui ont eu lieu à Barcelone à ce moment-là, c'était le fait des autorités républicaines et pas des révolutionnaires. Okay. But there are also cases of anarchists and workers revolutionary committees protecting priests, protecting employers. So it's not like, you know, there was just this kind of crazy bloodlust. Il y a eu aussi beaucoup de cas où des révolutionnaires et des ouvriers ont protégé des prêtres et des patrons. Donc c'était pas juste une espèce de folie meurtrière. So the final thing I'll say as part of the presentation is that this revolution, in my view at least, didn't fail in inverted commas. It was actually incredibly successful. If you look at industry and agriculture, production was improved in both areas, industry and agriculture, and the real evidence of this comes from people who were most hostile to the revolution, which was the owners of industry and agriculture. Donc un dernier point qu'il voudrait faire dans cette présentation, c'est le fait que cette révolution, selon lui, n'a pas échoué, et il met ça entre guillemets, parce qu'elle a eu un incroyable succès. Si on regarde au niveau de la production industrielle et des productions agricoles, elles ont été augmentées. Et les sources qui nous disent ça viennent de gens qui étaient les gens qui étaient les plus hostiles à la révolution, c'est-à-dire les propriétaires de ces industries et des terres agricoles. Because if you read, which I'm not recommending that you read this, but one of the pleasures I've had in life is reading the memoirs of landowners and Spanish capitalists. And when they get hold of their industry and land again after the Civil War with General Franco, they all, well, a lot of them express surprise that their property, their agricultural lands or their factories have actually been improved by the workers. Donc un des grands plaisirs de Chris, c'est de lire, donc il ne le recommande pas forcément, mais c'est de lire les mémoires des propriétaires, donc des propriétaires terriens ou des propriétaires d'industrie, qui quand ils ont donc repris le contrôle de leurs terres ou de leur propriété, de leurs terres, de leurs usines, ont été très surpris de découvrir que tout ça avait été amélioré. But they showed no generosity to them. They destroyed... They destroyed their collective organizations and effectively buried this revolutionary utopia. Mais ils ont quand même pas été très généreux et ils ont détruit les organisations collectives et ont complètement enterré cette utopie urbaine. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. Vous venez d'entendre Chris Hellman, donc un historien anglais, nous présentait son livre qui s'intitule « Barcelone contre ses habitants, 1835-1937, quartier ouvrier de la Révolution ». Donc c'est un enregistrement qui a été fait à la librairie Vent d'Ouest à Nantes et qui a eu lieu en 2014. 2014, peu de temps après la parution donc, de ce livre. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous vous souhaitons une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, midi 5, en direct sur Jet FM. À la semaine prochaine. Ooh.